إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما هو الأصل الثاني؟ لزم فضنا نعم، يعني أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسول للدعوة إلى عبادته واحدة، أي توحيد العبادة. يعني ويتو لي مساجي بو أبو توحيد توحيد العبادة. والأصل والثالث أيوة أقسم التوحيد، ما هما؟ سيكوا؟ بدون نظر، بدون نظر sans regarder. Il y en a un, le tawhid uluhiyya. Uluhiyya, tawhid uluhiyya. Tamam. Le premier et le deuxième qui correspond aux deux tawhid que nous avons l'habitude dans la classification, tawhid de l'adoration de rububiyya. Rububiyya. Wal asma wa sifat. Ahsant. Wa qulna anna lahu tasmiyatan ukhra. Le même taksim, mais il a une autre, il est nommé d'une façon. Qui se rappelle? نعم. الألوهية. المعرفة. أحسنت. دي سبب في ذلك que des fois, il se peut que vous le trouviez dans des livres, vous vous dites mais c'est quoi ce tawhid, je connais pas, j'ai jamais entendu ça. Comme on l'expliquait, c'est des istilahat. D'autres terminologies, mais c'est la même chose au final. Apparemment, en plus, ils rentrent dans le sujet, disons, des mouchriquins, mais ils sont d'accord sur le fait des tawhid de la sidurie, en fait. Ah, ça va être là. Tout ce qui est lié à l'adoration. هذا سيأتي في أصل الرابع اليوم. طيب، هل هناك فرق entre le fait de prendre une tombe ou de prendre une pierre de l'invoquer pour demander l'intercession pour Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il y a une différence? Bien, dans les deux cas, tu auras fait une ibada, tu l'auras invoqué. Wad-du'a liman lillah azza wa jalla, c'est l'ibada. Ad-du'a huwa l'ibada. Donc il n'y a pas de différence. Que tu invoques le Messie ibn Maryam, que tu invoques une pierre, que tu invoques Shams, même quoi que ce soit que tu invoques en dehors d'Allah, wa inna al-masajda lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Tout ça, c'est le même jugement. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الرابع. Et ce quatrième fondement, c'est tout simplement que les mouchrikoun reconnaissent tawhid al-rububiyya. Voilà. قال إن المشركين الذين بعث الله رسل إليهم مكرون أن الله تعالى خلقهم. وقال تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَأَنَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Donc les mouchrikoun vers lesquels ont été envoyés les messagers reconnaissaient que Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Là-dessus, ce n'est pas un mouchkila. Comme dans le sens où Allah dit, si tu les interrogeais qui les a créés, ils diront certainement c'est Allah. Donc ça, ils le savaient. Et كذلك pour la création des cieux et de la terre. C'est la même chose. Si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diront certainement ils ont été créés par le puissant et l'omniscient. قال وبينه الرازق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وانه الذي يدبر الامر من السماء الى الارض وانه الذي يملك السمع والابصار والافئده. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر سيقولون الله قل افلا تتقون. Donc également qui reconnaissent que c'est lui le Razak, le Razik qui a octroyé la subsistance. C'est lui qui sort le mort du vivant et le vivant du mort. C'est lui qui contrôle toutes les choses dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui possède l'ouïe, la vue ainsi que les cœurs. Comme le cite le verset par la suite, dans le sens. Encore le Ta'ala. كُلِّمَنِ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَكُولُونَ لِلَّهِ قُلَ فَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَكُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَكُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ. Également dans le sens où elle a dit, et si tu leur disais, pour, à qui appartient la terre, de ce qu'elle renferme, si jamais vous saviez, ils diront, à Allah, dit, ne vous rappelez-vous donc pas, dit, qui est le Seigneur des cieux, des sept cieux, le Seigneur du trône immense, ils diront, Allah, dit, ne craignez-vous donc pas, dit, qui dans sa main possède tout ce qu'il y a, dans la création, et qui protège, qui n'est pas protégé, si seulement vous saviez, ils diront, c'est Allah, dit alors, comment vous détournez? Question en guise de reproche pour contraindre l'interlocuteur à reconnaître la réponse qu'il connaît déjà lui-même. قال وهذا في العون من مع علوه في كفره ودعواه أقبح دعوى نطقه بالكلمات الشنع. Et que Pharaon, avec son exagération, dans sa mécréance, et qu'il a appelé à la pire des prêches, voyez, et qu'il a prononcé des paroles ignobles, quelles étaient, wa ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Waqala, ma alimtu lakum min ilahin ghayri, je ne connais pas d'autres divinités que moi. Donc Pharaon a appelé à Rabubiya, ou à l'Uluhiya pour sa personne. Plutôt à l'Uluhiya. Hata Rububiya. Kala na Rabbukum al-A'la. Hata Rububiya. Et au fond de lui, il savait très bien. Voyez, il savait très bien. Yakulullahu fi haq an Moussa alayhi salam. Yani Moussa, il a dit quoi à Pharaon? Lakode alimta ma anzela ha'ula illa Rabbu samawati wal ard basaira. Et tu sais très bien. C'est-à-dire que ces signes que Moussa a apportés, c'est Allah qui les a fait descendre. En guise de Bayan. Tu le sais très bien au fond de toi. Donc Pharaon a refusé ce qu'il savait au fond de lui. قال وقال Iblis, mais malgré tout Pharaon reconnaissait Allah. Il le reconnaissait au fond de lui. C'est ça qu'il faut comprendre. Que celui qui a eu la pire des darwah, la pire des prêches, les plus ignobles paroles, au fond de lui le savait également. Donc si Pharaon le sait, qu'il ne le saura pas. Et après il vient avec l'exemple de la pire des créatures dans cette dunya, Char Mahz, quand j'ai la pire des créatures qui vit avec nous, quelle est-elle? Iblis. Ce qu'il y a pire que Iblis. Qu'est-ce qui est pire que Iblis? Donnez-moi une créature qui est pire que Iblis. Là, Iblis c'est pire que Pharaon. Pharaon c'est un homme, il est venu, il est mort. Iblis c'est toujours là. Qu'est-ce qui est pire que Iblis? Créature qui est pire que l'Iblis. Présente. Elle est présente. Elle et son contraire, les deux sont présentes. Là, ce Dajjal n'est pas pire que l'Iblis. Il n'est pas pire que l'Iblis. Et cette créature existait avant le Messie Dajjal, je pense. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été créée, qu'il est venu à la vie. Mais cette créature-là existe avant, je pense. Vu que le Messie Dajjal, c'est un homme, et qui n'est pas présent, qui n'était pas présent depuis la venue de Adam, alayhi salam, et cette créature était déjà là. La pire des créatures. Le plus grand démon. Al-Nar. Jahannam. l'enfer. Quand même. Le feu est pire que... Parce que Iblis finira Aïn. Au feu. Donc c'est quoi le pire des deux? C'est le feu. Naam Achad bin Iblis. Bila Shek. Taïm. Iblis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Inni yakhafu Allah Rabba al-alamin. J'ai peur de Allah, Seigneur des mondes. Wa qal Rabbi man Rabbi bima aghwaytani la qudanna la ou la qudanna siratakal mustaqim. Il dit ô Seigneur, comme tu m'as rendu en erreur, quand même, je vais le faire. Obstruction à ton sentier. Il a dit ô Seigneur. Donc, Iblis, quand même, qui est la pire des créatures, qui vit avec nous jusqu'à ce jour, quand même, qui nous côtoie, parce que le nar est créé, mais elle est fil art des souffles là, on ne la voit pas. Mais Iblis, lui, même si de nos yeux on ne le voit pas, quand même, ses faits sont là. Même le nar, on voit l'effet du nar. Quand est-ce qu'on voit l'effet du nar? Le nar voit de ses signes. Quand? Il y a un hadith qui est venu. Il y a un hadith. Un nar, je t'accate il Allah, un ikananar, il y a kulouha ba'adoua ba'adoua. Partie du feu qui se mange les unes les autres. Un nar, je t'accate il Allah, bizarika. C'est plein auprès d'Allah de ceci. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a fait à ce là? Il a mis une partie en été, lorsqu'il fait très très chaud, et une partie en hiver, quand il fait très très froid. Ça, ce sont des choses qui émanent du feu. Comme dans le hadith, c'est venu. Hein? Donc l'histoire que, comme les koufars le disent, parce que le soleil, on se rapproche du soleil, je ne sais quoi, tout ça, c'est juste de... Quand même, le hadith, il le dit bien, ça, c'est le feu. La chaleur extrême qu'on a, le froid extrême, est lié au nar. Quand وكل مشرك مقر بان الله خالقه وخالق السماوات الارض السماوات والارض وربهن ورب ما فيهن ورازقهم ولهذا تحتج عليهم الرسل بقولهم افمن يخلق كمن لا يخلق. Donc les mushrikoun reconnaissent que Allah est leur créateur, qu'il a créé les cieux et la terre, tamam, et qu'il est le Seigneur de toutes choses. Et qu'il est le pourvoyeur à la subsistance. Et c'est pour cela que les messagers, lors de leur venue, ils ont dit quoi à leur peuple, dans le sens où Allah a dit, est-ce que celui qui crée est comme celui qui ne crée pas? Pour leur dire, vous aurez des choses qui ne créent pas, qui ont été créées. Donc si tu reconnais que ça c'est un khaliq, un créateur, qui mérite d'être adoré? La créature ou le créateur? C'est une question qui coule de source. Malgré cela, il y a après le shirk qui est le kufr. Ça t'éclate la raison. وبقولهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له والمشركون مكرون بذلك لا ينكرون. Et dans le sens où Allah dit ou certes ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne créent même pas ne serait-ce qu'une aile de mouche, même s'ils se rassemblent tous pour le faire. Et les mushrikoun n'ont pas rejeté cela. Ils se sont rendus compte. Et plus vile une aile de moustique. Et dans un hadith, c'est venu. Lo kanat dunya tusawi janahat ba'oud ma atallahu sharbat ma l'kafir. Que si jamais la dunya auprès d'Allah avait plus de valeur, ne serait-ce même pas, elle était égale à la valeur d'une aile de moustique, le kafir n'aurait jamais eu même serait-ce qu'une bouchée. Une nourriture. C'est-à-dire que la dunya auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus vile qu'une aile de moustique. Et nous, on se tue pour l'avoir. De même, on commet les crimes les plus immondes. On tombe dans le kouf, on désobéit Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir cette chose qui pour Allah est plus vile qu'une aile de moustique. Et je vous le répète, le kouf et le shirk, ça éclate les raisons. Et l'ignorance kazaalik. L'ignorance kazaalik. Pareil. Donc ça, c'était l'aslu arabia. Que les mushrikoun reconnaissaient Tawhid al-Rububiyya. Adashi ma'lum. Donc demain, quelqu'un, il dit Foulen est un croyant car il croit au Seigneur. Est-ce qu'on le dit? On nous dit, est-ce que Quraysh était des croyants? Il va dire, non, je vais aussi croire au Seigneur. Iblis c'est un croyant, il va dire non. Iblis il croit au Seigneur. Pharaon, c'est un croyant, il va dire non. Pharaon il croit au Seigneur. Donc il a le problème, il a l'ibad. قال الأصل الخامس شكل فضمة وهذا الأصل هو أن أساس العبادة هو التوحيد la base des adorations c'est le توحيد قال المؤلف أن عبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى لأنه مولى أو مولي أعظم النعم فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. Donc il faut savoir que l'adoration c'est l'aboutissement extrême quand même de l'humilité et du rabaissement, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une adoration, il arrive au stade extrême de l'humilité et de rabaissement. Donc cela revient à qui? Ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs cette humilité ne revient que à Allah. Ce khudur, tu le mets pour autre que pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fait du shirk. C'est lui qui mérite cela. Pourquoi? Car c'est lui qui accorde tous les bienfaits. Et c'est notre créateur. Et cita que cela a été cité dans quoi? Keshef. Keshef, c'est, si jamais c'est ce que je pense, que dans la Hachiyah, il n'en parle pas. Je pense que le seul tafsir qui s'appelle Keshef que je connais, c'est celui de Zomar Shari, qui était un imam dans la langue arabe. Un imam chez les imams. Mais un imam chez les Mu'tazila kazalik. Malheureusement. Dans la langue arabe, c'est une référence. Même les gens de la Sunna, des fois, se réfèrent à ces paroles dans la langue arabe. Mais c'est un Mu'tazili. Une tête des Mu'tazila. Un imam des Mu'tazila, à l'Asaf. Il a même des paroles de kufr. Mais il a été excusé à cause de ta'wil. Il a des ta'wil, interprétations, qui avaient une forme de réalité, c'est-à-dire que c'est pas une chose qui était inventée. C'est une chose sur laquelle tu pouvais te yulabas alayk. Amen. Et il y a plein de gens, des fois, ils tombent dans le shirk, dans le kouf, dans la bida ou el zalika, mais à cause de ta'wil, ils sont, yani, soit, on fait pas de takfir, alors qu'ils ont dit du kalam kouf, salih. Mais on dit, ils ont un ta'wil. Mais salen, les khawarij, pour ceux qui ne rendent pas mécréants, il y a un khilaf, les khawarij, certains les rendent kuffar, d'autres non. Ceux qui ne les rendent pas mécréants disent c'est à cause d'un ta'wil qu'ils ont. Un ta'wil, ils ont mal compris le Coran, le texte. Et des fois même, quelqu'un de la sunna peut sortir une parole de la bida, enfin de la bida, et il a un ijtihad. Il est dans l'erreur. Même qu'il est dans l'erreur, il a un ta'wil sur une chose, il a mal compris. Après, qu'est-ce qu'on fait? On lui démontre. C'est un bayen. Avec les preuves tranchantes. Là, on parle des sujets où le khilaf n'est pas accepté. Pas le masala où le khilaf, il est permis. Il a un ta'wil. Tu lui dis ton ta'wil, il est bâtil, il y en a kaza ou kaza ou kaza avec l'adilla. Il accepte à la base. S'il n'accepte pas, après, il persiste. Là, un jugement s'établit sur lui. Par rapport à ça. Voyez. Donc, on revient à l'asl khamis, qui est que le asas al-ibada ou at-tawhid. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله تعالى الذي تفيد كلمته التي الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل وهو قول لا إله إلا الله والمراد اعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان ومعناها. Donc il a dit que la tête de l'adoration et en même temps son fondement, ses fondations, on va dire, c'est le tawhid. C'est à cela qu'ont appelé les messagers. Tous. Qui est la parole? La ilaha illallah. Et ce qu'on veut dire par là, c'est pas le fait de le prononcer avec la langue, mais de l'avoir pour croyance. Pas le fait juste de le dire, mais de l'avoir pour croyance. Et de connaître ses sens également. Qui est, ifradullahi ta'ala bil ibada wal ilahiyya. والنفي والبراءة من كل معبود دونه وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي فقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. Donc c'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration et dans la divinité, dans la négation, c'est-à-dire renier tout ce qui est en dehors de lui et de son désavoué. Et les kuffars, c'est-à-dire l'époque de Quraysh, avaient très bien compris ce que voulait dire la ilaha illallah. Car c'était leur langue. Afsah al-Nas, Kanat, l'Arab al-Mutakaddimoun. C'était les premiers Arabes. Les gens les plus littéraires. Dans le sens, Allah dit justement à leur rencontre, il dit, est-ce qu'il va faire de la divinité une seule divinité, un seul adoré? C'est vraiment une chose surprenante qu'il dit là, en parlant du messager. Donc les koufars de Quraysh, la ilaha illallah, ils n'ont pas voulu le dire. Car ils savaient qu'en le disant, ça inclut plein de choses. Alors qu'aujourd'hui, on le dit, ils ont fait tout le contraire. C'est-à-dire que les koufars de Quraysh, quelque part, avaient peut-être plus d'éthique que des mouchtikoun de notre époque qui s'apparentent à l'islam. Et d'ailleurs, dans les koutoubs de Aqidah, dans le koutoub de Shir Najdi, il le dit bien, que les mouchtikoun de l'époque, leur shirk était moins grave que ceux de notre époque. Comme vous l'avez pris dans le Coran d'Arba'a, donc Keshf al-Shubuhat, car eux, les premiers, ils invoquaient autre que Allah quand? Ils invoquaient autre que Allah à dans la paisibilité, je veux dire, dans l'aisance, dans la sécurité. Et quand le danger venait, ils étaient dans la difficulté et revenaient à la salle. Aujourd'hui, c'est pareil. Difficulté, paisibilité, sécurité, danger, ils font des shirks. À tout va. Quand ils ont problème, ils vont vers la tombe du Fulani et ils l'invoquent. Yasta'ithu Nabi. Donc eux, aujourd'hui, leur shirk, il est pire, plus infect. Donc, et pourtant, ils disent quoi? La ilaha illallah. Et les Quraysh, ils disaient pas la ilaha illallah. Tu leur dis, non, on ne dira pas ça. Car ils savaient qu'en le disant, c'est pas une simple parole. Ils avaient la science de se calculer cette parole-là. Donc ils avaient l'éthique. Ils disaient, si je le dis, je m'y tiens. Donc je ne le dirai pas. Ils ne le disaient pas. À part les munafiqoun. Armi les munafiqoun. طيب قال فصل فصل on a pris dans le ta'bir c'était quoi فصل qui se rappelle séparation ça peut être les saisons on appelle فصل ça peut être une classe quand même et comme et là c'est un chapitre dans le sens قال إذا عرفت هذا أو هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبارة لها أنواع. Donc si jamais tu as compris ces usul qu'on a pris maintenant les cinq, qui c'est qui les répète les cinq? Premier usul du livre. Man yadhkur. Aywa. Tout ce qui est dans le Coran c'est haq. Usul thani. C'est lié au messager. L'arrivée des messagers. Pour d'arbois sur Allah. Ah oui, Tawhid. Tawhid. L'ibada. Troisième asl. Aqsam al-Tawhid. Alors, c'est un rabia. Voilà pour aujourd'hui. Tu peux regarder si tu veux. C'est Tawhid, l'explication du Tawhid. Ah oui, que les mouchélikou ne reconnaissaient Tawhid al-Rububiyya. Ou le cinquième qu'on vient de prendre un instant. Mahou. Ana asas al-Ibada. Wa Tawhid. La base de l'adoration, c'est le Tawhid. Si tu comprends ces cinq points-là, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a catégorifié, ou plutôt a fait a divisé l'adoration en différentes catégories. Qal, i'tiqadiyya, wa ya asasuha. Wa dhalika an ta'taqida anna wa rab al-wahidu. الأحد الذي لا الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر. Donc la première adoration c'est la croyance, celle qui est dans ton cœur, et c'est la base de toutes les autres, que tu aies pour croyance que Allah c'est le Seigneur, le seul, l'unique, celui qui est la création et qui a le décret de toutes choses, et c'est lui qui peut te nuire et celui qui peut te protéger. Quand je dis peut te nuire, les choses qui te feront du mal, ça ne revient qu'à lui. Bien que la cause vient de nous-mêmes. Même la cause vient de nous-mêmes. وَأَنَّهُ الَّذِي لَا شَرِكَ لَهُ لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَأَنَّهُ لَا مَعْبُودَ بِحَقٍ غَيْرُهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ مِنْ لَوَازِمِ الْإِلَهِيَّةِ. Donc également, il n'y a pas d'associé. Tu crois cela. Que personne ne peut intercéder auprès de lui si ce n'est avec sa permission. Et qu'il n'y a pas d'adoré en dehors de lui, véritable, qui mérite de l'être. Il y a des adorés, mais ils ne méritent pas. Et autre parmi les choses que la divinité implique, Si jamais tu as la croyance de la Uluhiya, alors elle implique des choses que tu es obligé de croire, et de reconnaître et d'accepter. Donc ça c'est le premier genre, i'tiqadiyya, du ibad, dans le cœur. وَمِنْهَا لَفْذِيَّ verbal. وَيَا النُّطْقُ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ فَمَنْ اَعْتَقَدَ مَا ذُكِرَ وَلَمْ يَنْطُقْ بِهَا لَمْ يُحْكَنْ دَمُهُ وَلَا مَالُهُ كَانَ كَإِبْلِيسِ فَإِنَّهُ فإنه يعتقد التوحيد بل يقر به كما أسلفنا عنه إلى أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر. Donc la deuxième forme d'adoration, c'est celles qui sont verbales, qui sont prononcées. Le fait de prononcer كلمة التوحيد, c'est-à-dire la ilaha illallah. Mais celui qui la croit, cette parole, et qui refuse de la prononcer, est en port d'islam. Et son sang et ses biens sont halal. Et également, parmi les formes d'adoration verbale, il a le zikr, tahlil, tasbih, takbir, toutes ces choses-là. وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, tu vois une personne qui fait un mal, tu lui rappelles, tu la conseilles, tout ça c'est des ibadah, lafziya. Donc il dit, celui qui ne la prononce pas, mais qui la croit, il est comme Iblis. Car Iblis, le tawhid, il le reconnaissait. Cependant, il a refusé d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit de se prosterner pour Adam. Il a refusé. Donc toi c'est pareil. T'as le tawhid, on te dit dis là, il a là, tu dis non, je ne dirai pas. Et bien ce refus te fera rester mécréant si tu l'as déjà, ou te fera sortir de l'islam si jamais tu étais musulman. Ça c'est le kufr de Iblis. Kufr, iba ou istikbar. Orgueil. Refus et orgueil. Je veux pas. Au fond de moi, je sais, je reconnais, j'admets, mais je ne veux pas le faire. Tamam? Abu Talib kazalik, shib zalik. ومن نطق بها ولم يعتقد حقن دمه وماله وحسابه الى الله وحكمه حكم المنافق. Celui qui la prononce mais qui ne la croit pas, lui ses biens sont préservés. En cette dunya, on se comporte avec lui comme un musulman. Et yawm al-qiyama, son affaire revient à Allah. Et ça c'est le cas de qui? Munafiqun. Amen, munafiqun. Ce qui est en eux dans leur cœur, on connaît pas nous. Mais en apparence, je en apparence, il est avec nous. Musulman, il fait la shahada, il fait salawat, il fait le hajj, il fait tout ce que les musulmans y font. Mais au fond, lui, il n'y croit pas. Lui, amrou d'Allah. Si demain il meurt, on l'enterre avec les musulmans, on le lave, tout ça. Tant qu'il n'a pas fait une chose qui démontre son effet clair. Donc, en apparence, il est resté comme nous, tu vois. Non. Wa thumma qala wa badaniya. Et après, c'est adoration corporelle. Non. Qu'al qiyam, wa ruku, wa sujud, wa salat. ومنها الصوم وافعال الحج والطواف comme le fait les stations debout lors de la salat, le recours, le sujoud dans la salat, le saum, le hajj et غير ذلك. وماليه, celles qui sont matérielles, liées au bien. Amen. كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به وأنواع الواجبات والمندوبات في الأبدان والأموال والأفعال والأقوال كثيرة لكن هذه أماهتها هذه الأهم. Donc comme le fait de sortir une partie de l'argent comme pour la zakat, pour celui pour qu'elle est wajiba, pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est important. امتثالا, dans toutes ces choses-là, imtithal, c'est-à-dire tu fais cela pour par obéissance à Allah. Parce que quand tu as des koufas, ils sortent de l'argent. Ou demain, quelqu'un peut sortir de l'argent sans mettre pour cela une niya d'obéir à Allah. Quand même, ça ne sera pas compté comme une ibadah. Donc ça, c'est important. C'est un qaïd qui est muhim. Wa alaykum salam. Imtithalan li amrillah. Comme les badaniyah. Tant qu'ils font recours, ils ne font pas pour Allah. Ils le font pour son sensei, masalan. Ils font des soins des arts martiaux. Ils s'inclinent pour saluer. C'est un recours. Alexandre. En islam, c'est interdit. Mais lui, il a dit, j'ai fait un recours. Il a dit, oh, mais tu as fait pourquoi ton recours? C'est pas une ibadah que t'as fait. C'est pas une ibadah que t'as fait. au soujoud. Qui c'est qui fait du soujoud? Qui est marouf faire des soujoud? C'est pas un musulman. Il y en avait un, il est mort maintenant. L'anatollah Ali. Je sais pas si son remplaçant fait pareil que lui. Ou qu'il aille, il se prosterne, il embrasse le sol. C'est qui fait ça? Le pape. Le pape, je pense que c'est Jean-Paul II. On le rappelle de lui, il était connu. Il partait en da'wa, soi-disant, dans le monde, en da'wa. Dès qu'il avait quelque part, il se prosternait par terre et il embrassait le sol. C'est un soujoud. Mais soujoud, même si lui, dans son cœur, il faisait une niyyah d'adoration, ça n'en était pas une. Vous voyez? Ça n'en était pas une. Ça n'était pas accepté de lui. Taïm. Donc là, faïda qu'on rajoute par rapport au munafiqoun, que le kufr, il est de quatre catégories. Le kufr, comme l'a cité Ibn al-Qayyim, tamam, de quatre catégories. Tu as kufr, al-jahl ou al-inad. Kufr, al-jahl ou al-inad. Ça, c'est sur lequel sont la plupart des kuffars. Ils sont ignorants, donc, de leur mécréance. Et inad, ils ne veulent pas l'islam. S'obstinent sur leur jahl. On a kufr al-juhud. Wa kitman al-ilm kal-yahud. Celui qui refuse et qui cache la vérité. Ça, c'est le cas de qui? De Yahoud. Également, Fil'aoun, il a ce kufr-là. Ce kufr, il est chez Fil'aoun. Il refuse Fil'aoun. On a kufr Iba wa stikbar, d'orgueil. Et c'est aussi un refus. Celui-là, c'est celui de qui? Là. Oui, Afwan, Iblis. J'étais dans ma tête, j'étais ailleurs. Non, Iblis. Et l'autre, c'est kufr al-nifaq. C'est le dimunafikoun. De faire apparaître que tu acceptes, au fond, toi, tu refuses. Pareil. Ça, c'était le test d'aujourd'hui. On a pris les deux dernières au sol, Rabia, qui était que les mouchidekoun reconnaissaient Tawhid al-Rububiya. On a pris Al-Asl al-Khamis, qui était que Asas al-Ibada, c'est Tawhid. Et on a rentré dans un nouveau chapitre. On a pris des formes d'adoration, qui sont de trois formes, quand même. Trois. Yartikadiya, croyance. Vous voyez quatre, non, t'as raison. Lafziya, verbal, badaniya, corporel, et maliya, matériel, financière. Et certaines, des fois, se mélangent. Par exemple, le hajj, c'est mali et badani. Et peut-être même lafziya, des termes à prononcer. Le zabh, égorgé, c'est mali, badani et lafziya. Faut que tu nommes Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, toujours, la niya, toujours. Inamal a'mal bin niya. Ça, c'est l'azim. Toute ibada, l'ibada, l'azim, la niya. Hakada. Mafhoum hadha ad-dars? Tayyib. Fa ila huna, wa alhamdu lillahi rabbil alamin.